Je débute à 15 ans, déjà mon passe de gagnant, ma passe de champion, ma passe d'enseignant. Et cette vie que personne n'en s'éteint, je raconte ce moment où le racisme est présent. L'esprit des gens est violent, tant de personnes en prison, que d'un volant vers l'horizon. Je suis de ce côté où ma troupe est prête à foncer, prêt à défoncer cette race qui dit qu'on fait partie des Français. Pas partie des Français, qu'on est enfant juste pour se dépenser. Mais c'est que des mensonges, je suis comme vous le songe, à être un boss, avoir la plus belle. Que me fasse des beaux gosses, nier ma vie avec elle. Et promener en Rolls Royce, sans que les pubs m'interpellent. Je me réveille de ce rêve que j'ai devant mes prunelles. Tous les matins à l'appel, pour creuser à la paix. Toujours à la demande d'une trêve, qui répond, travaille jusqu'à que tu crèves. Bref, t'en as qu'une chose en tête, de quitter ce staff qui t'embête. Ou joindre des femmes dans les fêtes, se niquer la tête aux plaquettes. Puis échapper aux piquets, piquettes, merde, c'est trop... Je rêve de voir mes proches dans les sauces, ne plus côtoyer ces balances, je vis dans la confiance et la chance. On rappe toujours la même cause, la même chose, dans la même osmose. Pour rêver d'une vie plus rose et ne plus prendre de dos. Je rêve de voir mes proches dans les sauces, ne plus côtoyer ces balances, je vis dans la confiance et la chance. On rappe toujours la même cause, la même chose, dans la même osmose. Pour rêver d'une vie plus rose et ne plus prendre de dos. C'est MC sur le rap, je pète. Les femmes, je les baisse. Passe mon temps à voler l'argent dans les caisses. Pour augmenter ma richesse, lâcher la détresse, diminuer la pauvresse. Pour que tout le monde encaisse et mettre le taux de mortalité en baisse. En Afrique, à cause des guerres et sécheresses. Trop de conflits, trop confus. On essaye de l'éviter, mais nous a eu. À peine sorti du bahut, tu te retrouves à la rue. Pour finir en prison, en passant par garde à vue. La tête, tu l'as lu, maintenant tu l'as entendu. De voir mes proches dans les os, ne plus côtoyer ces balances, vivre dans la confiance et la chance. On rap toujours la même cause, la même chose, dans la même osmose. Pour éviter une plus rose et ne plus prendre de dos. Je rêve de voir mes proches dans les os, ne plus côtoyer ces balances, vivre dans la confiance et la chance. On rap toujours la même cause, la même chose, dans la même osmose. Pour éviter une plus rose et ne plus prendre de dos.